À Paris, mercredi 29 mai 1675. Comment voulez-vous que je ne pleure pas, ma très chère bonne, en lisant votre lettre? Il ne m'en faut pas tant pour fondre. Au nom de Dieu, ma bonne, ne vous amusez point à retourner sur des riens. Si j'en suis quelquefois pénétré, c'est moi qui ai tort. Je dois être assuré de votre cœur. Et je le suis en effet. Cette délicatesse vient de l'extrême et unique attention que j'ai à vous, dont rien ne m'est indifférent. Mais songez aussi que par cette même sensibilité, un mot, un retour, une amitié, me retourne le cœur et me comble de tendresse. Vous n'avez pas loin à chercher pour trouver cet excès. Je vous conjure donc, ma bonne, de n'être point persuadée que vous ayez manqué à rien. Une de vos réflexions pourrait effacer des crimes, à plus forte raison des choses si légères qu'il n'y a quasi que vous et moi qui soyons capables de les remarquer. Croyez, ma bonne, que je ne puis conserver d'autres sentiments pour vous que ceux d'une tendresse sans égale, d'une inclination parfaite et d'un goût naturel qui ne finira qu'avec moi. J'ai tâché d'apprendre à l'Ivry ce qu'il faut faire pour détourner ses idées. Toute ma difficulté, c'est qu'il ne s'en présente point à moi qui ne soit sur votre sujet, et que je ne sais pas où en prendre d'autres. Ainsi Corbinelli est bien empêché. Enfin, ma bonne, il faut espérer que le temps les rendra moins amers. Un peu de dévotion et d'amour de Dieu mettrait ce calme dans mon âme. Ce n'est qu'à cela seul que vous devez céder. Corbinelli m'a été uniquement bon à l'Ivry. Son esprit me plaît, et son dévouement pour moi est si grand que je ne me contraignais sur rien. J'en revins hier et descendis chez monsieur le cardinal, à qui je trouvais tant d'amitié pour vous, qu'il me convient par cet endroit plus que les autres, sans compter tous les anciens attachements que j'ai pour lui. Il a mille affaires. Il passe la Pentecôte à Saint-Denis, mais il reviendra ici pour 8 ou 10 jours encore. On ne parle ici que de sa retraite. Chacun en parle selon son humeur, quoiqu'il n'y doive avoir qu'une opinion qui doit la faire admirer. Mesdames de Lavardin, de Latroche et Villard m'accablent de leurs billets et de leurs soins. Je ne suis pas encore en état de profiter de leur bonté. Madame de Lafayette est à Saint-Maur. Madame de Langeron a la tête enflée. On espère qu'elle mourra. La reine et Madame de Montespan furent lundi aux Carmélites de la rue de Boulois, plus de 2 heures en conférence. Elles en parurent également contentes. Elles étaient venues chacune de leur côté et s'en retournèrent le soir à leur château. Je vous écrivis avant-hier. Je vous adressai la lettre à Lyon chez monsieur le chamarier. Je serais bien fâché que cette lettre fût perdue. Il y en avait une dans le paquet de notre cardinal. Voici encore un billet de lui. Votre lettre est très bonne pour pénétrer le cœur et l'âme. Être avec lui et faire quelque chose pour vous, voilà ce qui m'est uniquement bon. Son éminence a été ce matin chez un de vos présidents, et moi chez l'autre et chez 2 autres juges. Ce serait à moi à vous remercier de me donner les moyens de vous être bonne. Cela seul peut me contenter. Monsieur de Coulanges saura votre souvenir. Il est vrai qu'il ne faut pas perdre un jour dans les adieux. Je serais très fâché d'avoir perdu celui de Fontainebleau. Le moment de la séparation est terrible, mais il est encore pire ici. Je ne perdrai jamais aucun temps de vous voir. Je ne me reproche point, et pour me raccommoder avec Fontainebleau, j'irai au-devant de vous, ma bonne. Dieu nous enverra des facilités pour me conserver la vie. Ne soyez point en peine de ma santé, je la ménage, puisque vous l'aimez. Je me porte très bien. Je sais l'intérêt que vous y prenez. Ne soyez jamais en peine de ceux qui ont le don des larmes. Je prie Dieu que je ne sente jamais de ces douleurs où les yeux ne soulagent point le cœur. Il est vrai qu'il y a des pensées, des paroles qui sont étranges, mais rien n'est dangereux quand on pleure. J'ai demandé de vos nouvelles à vos amis. Je vous remercie, ma chère comtesse, de votre aimable distinction. Monsieur le maréchal de Créqui a pris Dinan. On dit qu'il y a du désordre à Strasbourg. Les uns veulent laisser passer l'empereur, les autres veulent tenir leur parole à monsieur de Turenne. Je n'ai point de nouvelles des guerriers. On m'a dit que le chevalier de Grignan avait la fièvre tierce. Vous en apprendrez des nouvelles par lui-même, il a écrit. J'embrasse ce triste voyageur et le supplie de se remettre à son humeur naturelle. Un souvenir à Montgobert. Mandez-moi bien de vos nouvelles, et si vous mangez, et comme vous aurez trouvé vos enfants. Du cardinal Doré. Je ne vous dis point, ma très chère nièce, que je suis touché comme je le dois des marques de bonté que j'ai vues pour moi dans la lettre de madame votre mère. Vous ne doutez assurément pas de ma considération ni de ma reconnaissance. Le cardinal Doré.